style. Soaking growth. Go sad. Pretty jungle. Set up. On up. One, two, three. Best day for show three. Just a lady. Out of me, she find stop. She never do not live in too busy. Salam, vida loca, salam. Zaman, que bajan las putas. La mona deja la muerte, la droga. One, two, three, throw la boca. Mon cœur appartient à maman. Toi t'es in love, de coco. J'allume pour la famille, je fais pas zama. Sur la baba ou sama. Viens, drop le cook, c'est drogue. Il trace cette drogue, qui vient prête à moi. Y'a deux, trois PD qui veulent ma peau. Deux, trois schmitts qui me veulent mon bébé. Y'a deux, trois bonhommes droits qui m'épaulent. Y'a deux, trois putes qui croient que je sais faire, My man, give me a normal man. Regarde dans l'Afrique, j'aimerais suivre ce lama. Bella, bella, je m'en bats les couilles d'être le meilleur rappeur. C'est l'amour, l'amour là que je vis jusqu'à vider le chargeur. Bella, bella, je m'en bats les couilles d'être le meilleur rappeur. C'est l'amour, l'amour là que je vis jusqu'à vider le chargeur. I see this shit nigga every day. Talking about blue drugs and homeless. Out of my niggas, in my way man. I'm keeping real here, then I change the place. God only know making friends, taking time for this bitch. Taking love and you're not Shakira. You wanna know where I am, you don't think I'm a crack like them boo. Got rich when I'm young. We wanna change, we wanna live free, yeah. So many crimes, so many tears, so many dreams, damn, damn. Living a life, ain't taking risks. We're born up in risk. Found out for risk on the bitches. Girl, they ain't got no respect for the parents. I say, yeah, man, like, you know my religion. I'm a fucking addict to a musician. You wanna give it up, I'll be thinking shit. I got the provision, nigga, I'm a person. Do what I want. In my life's pleasure. In my life's pleasure. You feel in my clothes. In my hands, you're Christian. Yeah. Cocaína, it's on the frigo. Haram, haram, el fuego. Arrosar dans le bando. On compte l'arrosar dans le bando. Cocaïna dans le frigo. Haram, haram, el fuego. Arrosar dans le bando. On compte l'arrosar dans le bando.